Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 24e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Hubert Viel. Hubert, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Hubert, vous êtes réalisateur, scénariste, compositeur. Vous avez réalisé deux longs métrages, un premier intitulé Artemis, cœur d'artichaut, et un second qui est en salle actuellement et qui s'intitule Les filles au Moyen-Âge. C'est de ce film dont nous allons parler tout de suite. Chers auditeurs, je suis accompagné, comme chaque semaine, par mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Hubert, bonjour à tous. Alors, ce que je vous propose, chers auditeurs et chers invités, c'est que nous écoutions d'abord la bande-annonce du film avant d'en parler avec son réalisateur. Tu butes le paysan, tu kidnappes sa femme, tu la prends en otage, tu demandes une rançon au seigneur s'il veut la récupérer. J'entendais ça, ils veulent rester encore 2 heures à jouer à ça au Moyen-Âge. Non ! Vous savez que les femmes au Moyen-Âge n'étaient pas du tout comme vous le pensez. Vous avez beaucoup de pouvoir. C'est quoi ce livre? C'est comme une machine à remonter le temps. Vous leur rencontrez des filles surpuissantes qui peuplèrent le Moyen-Âge. Un épisode totalement oublié de l'histoire. Installez-vous, mes garçons. Oui, ça va, pardon. Madame, je sais tout. Les femmes pouvaient faire tout ce que les hommes faisaient, être médecins, savants, professeurs, écrivains, seigneurs. Avec l'amour courtois, c'est la femme qui est supérieure. Rapporte-moi le Graal. Tu auras mon cœur et tout ce qu'il y a autour. Veuillez excuser mon retard. Et ma petite Violette, elle est un peu lente. Les femmes prenaient soin à ce qu'il y ait des écoles gratuites pour tous. Il est scandaleux de traiter les femmes comme nous le faisons. Nicolas, c'est mes clients. On a complètement déconné. J'ai jamais rien compris aux femmes. Les filles au Moyen-Âge, Hubert Viel, c'est un film qui est en salle dans toute la France? C'est un film qui est en salle dans quelques villes, dans les grandes villes de France, on va dire. Mais qui sort, ça sort par étapes en fait. C'est d'abord sorti à Paris. Ensuite, il y a eu Bordeaux, Nantes, puis là, il va y avoir Toulouse, Marseille, Grenoble, etc. Je ne peux pas vous faire toute la liste, mais il y a pas mal de villes, ouais, au final. Alors Hubert, je voudrais vous poser une première question. Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, en fait, j'ai tendance à être gentil, donc j'accepte toutes les invitations. Alors, je précise à nos auditeurs que c'est bien moi qui ai envoyé un mail à Hubert pour l'inviter... dans notre émission, et que celui-ci a accepté étrangement. Bon, non, pas étrangement. Moi, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai beaucoup de retours très différents de gens qui viennent de milieux très différents, qui aiment le film et qui me sollicitent, qui veulent m'interviewer. Plusieurs médias, ça va de Libération à Valeurs Actuelles. En octobre, par exemple, j'ai reçu un prix à un festival à Bordeaux, un prix féministe. Donc je l'ai accepté, j'aurais pu le refuser. non, je l'ai accepté, bien entendu. Et là, quand vous m'avez invité, c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que j'y vais pas, mais il n'y a pas de raison, je viens répondre à vos questions. Quoi. Alors justement, une question, parlons du film. Peut-être que Xavier, tu veux faire le pitch du film? Alors le film, c'est une idée très originale. C'est des enfants qui sont avec leur grand-père, donc ce grand-père qui est joué par Michael Lonsdale, et qui se font des idées sur le Moyen-Âge, et lui va leur conter ce qu'étaient les filles au Moyen-Âge. Et pendant qu'il leur raconte, les enfants, comme imprégnés de son récit, jouent ce qu'il leur raconte. Donc on est plongé dans l'histoire de France, du baptême de Clovis à Jeanne d'Arc, en passant par l'amour courtois au XIIIe siècle. Et alors, la particularité du film, c'est que ça joue à la fois sur... Il y a des scènes en noir et blanc, des scènes en couleur. La plus grande partie du film est en noir et blanc. Et le film est joué en grande partie par des enfants. C'est bien ça ? Ah ben, je vois que vous avez vu le film. Non, non, oui, bien sûr, c'est ça. Ouais, ouais. Le film est joué quasi intégralement par des enfants. Les 9 dixièmes du film se passent au Moyen-Âge. Donc là, j'ai choisi le noir et blanc. Et là, c'est 6 enfants qui jouent des scénettes médiévales, un petit peu à la manière d'un spectacle de fin d'année de CE2, quoi, j'ai envie de dire. Et voilà, ils endossent chacun une quinzaine de rôles, quoi. C'est un petit peu comme une pièce de théâtre, un peu, où on a un acteur qui va endosser plusieurs rôles, et du coup plusieurs combinaisons de rôles, plusieurs combinaisons d'acteurs. Et c'est un vrai jeu, quoi, dans tous les sens du terme, quoi. Avec aussi des anachronismes de langage, hein. C'est-à-dire que les enfants ne parlent pas comme au Moyen-Âge, évidemment. Ils parlent comme des enfants d'aujourd'hui, mais avec des costumes médiévaux. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai refusé de... Comme quoi, j'accepte pas tout. Hein, mais j'ai refusé de leur faire parler en vieux François, parce que ça aurait été terriblement imbuvable et même impossible, je pense. Donc ils parlent une langue un peu précieuse. On va dire un peu une langue un peu du 19e siècle, en fait, d'une certaine manière. Et puis des fois, il y a des petits anachronismes. Donc ils reprennent leur langage d'enfants d'aujourd'hui avec leurs expressions. Voilà, il est trop fun. Alors, trucs comme ça. Je dois le dire, les enfants jouent très bien. Est-ce que c'est les enfants des copains ou c'est le fruit d'un casting ? Non, non, c'est un vrai casting. C'est des enfants qui ont énormément de talent. D'ailleurs, je leur dois un peu vraiment toute la reconnaissance sur ce film. Et non, non, c'est un vrai casting d'enfants que j'ai organisé en bonne et due forme avec une directrice de casting. Voilà, donc j'ai vu beaucoup d'enfants et j'ai choisi 6 enfants qui devaient réunir un certain nombre de qualités qui n'étaient pas faciles à réunir. Il fallait qu'ils soient à la fois, c'est bête à dire, mais intelligents en fait. Parce qu'en fait, c'était un scénario qui n'était pas... Le scénario, c'est pas Bob l'éponge, quoi. Il y a quand même un... Bon, en plus, il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc, qu'ils comprennent un peu mon propos. Qu'ils aient une bonne mémoire aussi pour parce qu'ils ont quand même à certains moments des bonnes tartines de texte à apprendre et à jouer et puis qu'ils sachent improviser aussi y a quelques petites improvisations et puis voilà quoi qu'ils savent jouer plusieurs rôles quoi en passant d'une paysanne jusqu'à une reine jusqu'à un moine un guerrier un roi voilà. Hubert, parlons du fond de ce film que vous avez réalisé. Vous défendez dans ce film une thèse qui est de dire que la condition des femmes au Moyen-Âge n'est pas celle que l'on croit. Les femmes au Moyen-Âge avaient du pouvoir. Ma question, c'est comment vous est venue cette idée de film ? Alors, un peu par hasard, j'ai pas fait d'études d'histoire. J'étais pas spécialement très calé en histoire, même si ça m'intéresse quand même beaucoup. Je suis tombé sur un article, d'ailleurs je sais même plus la source, je l'ai oublié je crois, mais sur internet, une idée, l'auteur défendait une idée de socialisme médiéval. Alors je trouvais ça curieux, pour moi c'était un peu un oxymore. On avait plutôt l'image d'un Moyen-Âge plutôt tyrannique, assez martial en fait. Et là l'auteur défendait plutôt... un Moyen-Âge assez, on va dire, solidaire, socialiste, avec voilà, l'idée de charité, de don, etc. Et dans cet article, il y avait une petite partie, en fait, sur la place et le rôle des femmes, qui n'est effectivement pas comme celui auquel on pourrait s'attendre, de femmes soumises, de femmes poules pondeuses, ou de femme qui ne fait que les tâches ménagères ou les tâches de la ferme. En fait, pas du tout. Les femmes avaient en fait, la possibilité d'exercer quasiment l'intégralité de tous les métiers que faisaient les hommes. Peut-être l'exception, c'est peut-être la profession de prêtre. Mais en fait, dans les couvents, elle pouvait quand même faire des messes. Alors en fait, c'est même pas vrai. Mais bon, bref. Et alors, voilà, donc je. Et cet article indiquait la lecture d'un livre qui s'appelle La femme au temps des cathédrales. Et en fait, c'est sur ce livre que d'ailleurs je cite sur les dossiers de presse, etc. C'est sur ce livre que je me suis appuyé pour faire ce film, tout simplement. Régine Pernoud, c'est une historienne de la mouvance, donc dans les années 60-70, une grosse mouvance de réhabilitation du Moyen-Âge, qui a mis beaucoup de temps à se faire. Hein. C'est-à-dire que pendant tout le 19e siècle, on a une vision du Moyen-Âge qui est soit d'un côté, soit de l'autre, tout à fait fallacieuse, soit on va le glorifier. Donc, chez les romantiques, vachement. Soit on va au contraire le décrédibiliser radicalement. Alors là, on va trouver ça chez Michelet, où là, il y a un certain nombre de contre-vérités qui ont été assénées, mais qui sont finalement rentrées dans l'opinion commune. Alors, les exemples les plus connus, c'est évidemment le droit de cuissage. c'est Voltaire qui en a parlé en premier et Michelet qui a récupéré ça après. Michelet avait écrit un livre qui s'appelle La sorcière. Donc beaucoup de gens pensent que c'est un livre d'histoire, alors que c'est un livre totalement fabuleux, quoi, où on voit des femmes libres, païennes ou athées, quoi, enfin qui se font persécuter toute la journée par des prêtres catholiques. Alors qu'elles veulent vivre leur liberté, voilà. Donc ça, c'est un peu la mythologie du 19e siècle. Et donc je reviens à Régine Pernoud qui lui, elle est une historienne qui a commencé, je crois, dans les années 50, 1950, et qui commence vraiment à faire une vraie réhabilitation. Alors il y en a d'autres, il y a Jacques Herz aussi, il y a mais les premiers qui ont commencé, je crois d'ailleurs, ce sont deux historiens juifs qui sont Marc Bloch, vous connaissez sûrement, il a écrit L'étrange défaite, mais à la base c'est un médiéviste qui a écrit La féodalité d'ailleurs, et un autre qui s'appelle Gustave Cohen, qui a écrit un livre qui doit s'appeler La clarté du Moyen-Âge ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est vraiment les deux précurseurs en France de la réhabilitation du Moyen-Âge. Donc voilà, bon, moi je me suis plongé là-dedans, j'ai lu tous ces auteurs, et c'est, d'ailleurs j'invite les gens à le faire aussi, les auditeurs, et c'est vraiment passionnant. Voilà, pour un Moyen-Âge, un autre Moyen-Âge, un Moyen-Âge plus humain, plus, et qui a beaucoup de choses à nous dire pour aujourd'hui, quoi. Alors vous mettez malgré tout à jour dans votre film une fracture entre l'Antiquité où les femmes étaient soumises et le Moyen-Âge. Où il s'est produit une libération de la femme à laquelle l'Église, pour laquelle l'Église a joué un rôle. Oui. Alors, dire que c'est l'Église qui a libéré la femme, bon, c'est peut-être un raccourci, mais c'est pas complètement faux, je pense. La raison, elle est à trouver, tout simplement, c'est que le Moyen-Âge, c'est le millénaire qui puise sa source doctrinaire ou spirituelle dans le Nouveau Testament. Donc, c'est-à-dire que l'homme du Moyen-Âge, c'est vraiment un homme qui est dans l'imitation du Christ. Ça, c'est très important pour comprendre le Moyen-Âge. Et il suffit de lire le Nouveau Testament pour voir comment Jésus se comporte avec les femmes. À une époque et dans un contexte, donc, c'est-à-dire donc la Judée du 1er siècle après lui-même, après Jésus-Christ, qui était un milieu très, très misogyne, hein, ça c'est connu de tout le monde. Et Jésus arrive là-dedans. Bon, alors il y a assez peu de femmes, hein, dans le Nouveau Testament, c'est quand même des hommes entre eux la plupart du temps. Mais quand elles arrivent, c'est quand même ça déménage, quoi. C'est-à-dire que la manière dont il se comporte avec les femmes, par rapport au contexte, c'est d'une certaine manière le plus grand féministe de tous les temps, quoi. Dans la révolution qu'il a su amener, c'est vraiment énormissime. Donc, il est normal qu'au Moyen-Âge, bien que il est impossible, j'imagine, d'imiter le Christ ou de le respecter à 100%, donc il y a beaucoup de trahison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent que matin et soir, ils trahissent le Christ. Je les comprends, parce que ça ne doit pas être facile à imiter tous les jours. Mais voilà, donc on comprend peut-être mieux. Alors après, il y a d'autres raisons. Hein. On peut rentrer dans les détails de d'autres raisons politiques, sociales, juridiques, etc. Mais la raison principale, c'est vraiment celle-là. C'est imiter le Christ qui respectait les femmes et qui d'ailleurs faisait peut-être plus que les respecter, puisque par exemple le jour de Pâques, donc le jour de la résurrection du Christ, c'est une femme en fait qui... C'est devant une femme, donc Marie-Madeleine, que Jésus se montre en tant que Dieu, c'est-à-dire pas en tant que simple homme, mais en tant que Dieu, qui monte au ciel. Donc c'est je crois, l'ascension, si je ne dis pas de bêtises. Alors au début, Marie-Madeleine voit un jardinier avec un chapeau de paille, le jardinier se retourne, et en fait c'est Jésus. Et alors, il lui dit quand même « ne me touche pas ». Alors, phrase à interpréter comme vous voulez. Mais je pense que c'est « ne me touche pas » parce que je ne suis plus de matière. Quoi. Je suis un dieu, ça ne sert à rien de vouloir me toucher. Et donc, il s'envole. Et c'est elle la seule témoin. Quoi. Donc, c'est Marie-Madeleine qui est, je le rappelle, une putain, qui est témoin de la divinisation du Christ. Donc ça, c'est... Moi, je trouve ça beau. Bon, il y a des tableaux hein, très connus là-dessus. Voilà. Ce que je peux dire là-dessus. Pour revenir au Moyen-Âge, donc, dans cette société d'ordre régie par la Trinité, vous émettez l'hypothèse que le Saint-Esprit serait la femme. Oui, alors... Oui, alors moi je le fais sous forme de boutade, hein, parce que alors mon film, je tiens à rappeler que mon film n'est pas un film à proprement parler historique, c'est pas un manuel d'histoire, quoi. Hein. Je veux dire, je m'amuse avec l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des aspects historiques. J'ai même fait valider mon film par un historien. Donc il y a des aspects historiques qui sont très sérieux, mais tout ça est quand même véhiculé dans dans de la poésie, dans de l'humour, du burlesque, voire même des fois de la caricature, mais quand je prends le mot vraiment dans le sens positif du terme, c'est-à-dire dans le sens d'une esquisse drôle qui essaye de témoigner d'une sorte de vérité, d'un sentiment. Voilà, je me suis un peu perdu. C'était... La question, c'est sur la Trinité. Ah oui, la Trinité, pardon. Alors la Trinité, oui, donc oui, il y a plusieurs théologiens. Bon, alors là, je ne suis pas assez calé, mais il y a effectivement dans les débats théologiques sans fin qu'il y a eu à partir dès le début du christianisme, hein, l'Empire byzantin, jusqu'à la scolastique, et puis jusqu'à encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a toujours des théologiens. Il y a l'idée que effectivement, il y a le Père. Le Fils et le Saint-Esprit, donc on peut penser que c'est trois figures masculines et que le christianisme est donc une religion purement patriarcale. Je pense qu'elle l'est en grande partie patriarcale, certes, mais il y a quand même l'idée du rapport entre Marie et l'ange Gabriel donc, qui lui apporte le Saint-Esprit. Donc, et d'une certaine manière, le Saint-Esprit, c'est elle qui le détient en elle, quoi. Donc... On peut dire qu'il y a le Père, mais le Père, en fait, finalement, il n'est jamais vraiment montré dans le Nouveau Testament, contrairement à l'Ancien. Quoi, Dieu ne parle pas. Quoi. Dieu, le Père, ne s'exprime pas. Il est irrationnel. D'une certaine manière, il n'a pas de sexe. Donc on peut dire qu'il y a le Père qui n'a pas de sexe, le Fils, Jésus, qui, lui, est vraiment un homme. Et à côté, il y aurait Marie, quoi. Donc il y a une sorte de parité dans la Trinité qui a été défendue par plusieurs théologiens, mais pas tous forcément, mais quand même. Et alors, vous montrez une société catholique où les femmes sont extrêmement importantes, voire influentes, voire motrices, sans pour autant qu'il y ait d'égalité homme-femme au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas plaquer nos conceptions modernes sur une époque qui est traditionnelle, quoi. Ça n'a pas... Là, c'est là que... Bah, d'ailleurs, c'est là qu'il y a beaucoup d'historiens qui, du coup, font fausse route sur plein de niveaux. Mais alors, oui, c'est-à-dire qu'il y a un respect mutuel entre l'homme et la femme, mais à aucun moment, il y a d'égalité au sens normatif du terme, quoi. C'est-à-dire que les gens du Moyen-Âge sont des essentialistes, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'un homme et une femme sont deux entités absolument différentes, qui se suffisent à elles-mêmes d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que le mot d'égalité est un peu, c'est un peu périlleux d'utiliser. Voilà, et puis même au niveau juridique, hein, je veux dire, c'était quand même compliqué pour une femme d'être seigneur. Il y avait des femmes seigneurs, mais c'était... Alors il fallait être veuve. Le plus souvent, c'était des veuves, en gros. Mais sous l'Empire romain, quand la femme perd son mari, elle ne reprend pas le pouvoir de son mari. Hein. Elle devient soumise à son fils. Donc quand même, le Moyen-Âge a apporté quelque chose, quoi, dans l'émancipation, quoi. Même si c'est pas parfait, hein, je suis pas du tout en train de glorifier la situation des femmes au Moyen-Âge. Je suis pas dupe. Il y a évidemment plein. Il y avait des femmes qui étaient mariées contre leur gré. Il y avait plein de choses comme ça. Évidemment, c'est extrêmement touffu et varié ce qui se passait au Moyen-Âge sur 1000 ans et sur un territoire énorme qui fait toute l'Europe. Mais en règle générale, elles s'en tiraient quand même relativement très bien, surtout au regard notamment des autres civilisations voisines. Je pense par exemple au monde arabe à la même époque, ou alors aux civilisations qui l'ont précédé. Donc là, je pense à l'Empire romain, aux Grecs. Donc je parle vraiment de l'Antiquité tardive, parce qu'après, on pourrait partir dans l'antiquité archaïque, le matriarcat et tout, mais bon, là, peut-être on change un peu de sujet, où là, effectivement, les femmes avaient une place aussi de choix, quoi, même plus que ça. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Votre film se déroule certes au Moyen-Âge, mais au niveau des lieux, c'est très clairement l'histoire de France. Les grandes étapes de l'histoire de France avec des dates connues, la guerre de Cent Ans, le baptême de Clovis. Quelle importance et quel regard portez-vous sur cette histoire ? Il a fallu faire des choix. En fait, je ne pouvais pas parler de tout le Moyen-Âge dans tous les pays d'Europe, évidemment. Donc j'ai pris l'histoire que je connais le mieux, parce que je suis français, donc j'ai pris l'histoire de France. Et oui, il y a un petit côté quand même on va dire anti-manuel d'histoire. Il y a un petit côté comme ça avec lequel je joue. Donc effectivement, ça commence avec l'Empire romain, donc la chute de l'Empire romain, les Francs. Ensuite, on passe à, évidemment, donc Clovis, effectivement. J'aimerais que vous reveniez un peu sur le baptême de Clovis. C'est une scène importante dans votre film. Et drôle. Et drôle. Oui. Oui, mon film est un film comique, hein. Faut aussi. C'est vrai, c'est vrai. Oui, le baptême de Clovis. Alors là, pour le coup, c'est pas. Là, c'est vraiment une caricature pour le coup, parce que je me suis amusé avec ce baptême de Clovis dont on a finalement assez peu de. On a très peu de sources, hein, sur Clovis. Hein. C'est donc il y a une légende qui a été tissée qui a beaucoup servi d'ailleurs pour que ça soit pour les Républicains. Comme pour les... C'est le début du roman national. C'est ça, le roman national. Bon. Et moi, je m'amuse un peu, je le parodie, quoi. J'ai montré un Clovis violent, qui est obsédé par la violence, quoi. Un Clovis vraiment qui ne vit que par la violence, que par la conquête, sans trop savoir pourquoi, finalement. Et la rencontre avec Clotilde, c'est justement la rencontre avec une autre vision. Peut-être on peut faire autre chose que se battre et que de conquérir des territoires. Et voilà, donc ça, c'est la rencontre avec Clotilde. Et Clotilde le convertit. Donc, elle lui dit que c'est son paganisme est une sorte de paganisme très... presque quelque chose un peu de marabout, quoi. C'est-à-dire quelque chose où on va invoquer des puissances occultes pour son propre intérêt, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Et Clotilde dit non, mais attends, c'est pas possible, ça. Il faut que tu vénères le dieu de tout le monde, quoi. Donc le dieu qui a créé le ciel, la terre. Donc c'est le dieu des chrétiens. Donc voilà. Et on retrouve la fameuse Saint-Esprit. Donc je joue avec ce mot de Saint-Esprit au moment du baptême, où il y a une colombe. Donc vous connaissez un peu le truc, c'est qu'il y a une colombe qui est sûrement une colombe qui se réfère à celle de Marie au moment où elle reçoit le Saint-Esprit aussi. Une colombe qui rentre dans l'église de Reims et qui apporte une ampoule dans laquelle il y a de l'huile. Et donc l'ampoule tombe dans les mains de l'évêque de Reims, donc Saint-Rémy. Et dans mon film, Saint-Rémy me fait « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et Clotilde répond « C'est la Saint-Esprit. » Voilà. Bon, c'est... Voilà, ça, c'est des petites scènes avec lesquelles je me suis amusé à jouer mais sans moquerie, quoi. C'est-à-dire avec décalage, humour, mais sans non plus... Enfin, sans glorifier, mais sans moquer non plus, quoi. Voilà. Ben c'est le moment justement de rappeler que ce film a plusieurs grilles de lecture, donc c'est un film vraiment pour toute la famille, c'est-à-dire que tout le monde va y trouver son compte. Un enfant peut le voir et va y voir ce que peut y voir un enfant, une mère de famille va y voir autre chose, il y a des gens qui vont avoir une lecture plus spirituelle du film, d'autres une lecture plus historique, d'autres une lecture plus politique, avec même des féministes qui vont pouvoir trouver, des féministes de gauche qui vont pouvoir trouver le film très intéressant pour elles, des traditionalistes, des catholiques, et c'est ça qui est très intéressant dans votre film, c'est ce côté multiforme, multifacette, et ça, ouais. Je dois avouer que c'est très réussi. Ah bah merci. Oui, oui, j'essaye de mettre plusieurs niveaux de lecture dans les films que je fais, et là il y a vraiment, effectivement il y a d'abord un divertissement. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui ne sont pas des enfants, qui sont des gens cultivés et tout, qui trouvent que le film n'a rien de politique. Inversement, d'autres le trouvent très politique, certains effectivement le trouvent de gauche, d'autres de droite. oui, il y a donc un divertissement. Après, il y a une thèse, je mets vraiment entre guillemets parce que c'est pas une thèse, c'est quand même plus de travail que ça. Un film à thèse, en effet, quand même un peu. Sur une autre vision de l'histoire, une réhabilitation du Moyen-Âge. Et après, effectivement, peut-être un discours un peu politique, notamment sur la fin, où je fais une confrontation en fait entre des gens du Moyen-Âge avec un PDG en costume et attaché case d'aujourd'hui. Donc là, c'est je confronte exprès. Quand je disais tout à l'heure, il fallait pas plaquer justement nos conceptions modernes sur le Moyen-Âge. Bon là, pour le coup, je l'ai fait plaquer les deux comme. C'est-à-dire que la femme du Moyen-Âge, pour préciser, la femme du Moyen-Âge rencontre un PDG qui lui propose de s'occuper d'un service après-vente. Oui, c'est ça. Donc là, on sent le. Je confronte une dame de l'amour courtois, donc une dame très cultivée qui parle. Alors je sais plus, elle parle, je sais plus combien de langues dans mon film. Elle parle le latin, l'occitan, l'hébreu, etc. Elle a écrit 800 poèmes. Elle sait coudre, elle sait faire des tapisseries, etc. Elle rencontre un PDG qui, elle, ne veut en faire une simple secrétaire chez Darty. Je fais de la pub, je suis désolé. Et voilà, ça me faisait rire. Après, il y a presque un côté Les Visiteurs aussi, hein, je veux dire, que j'assume d'ailleurs. Il y a aussi même un côté Kaamelott aussi, d'ailleurs. la série Kaamelott aussi, que j'assume parfaitement, même si c'est pas non plus, c'est pas trop le même propos. Mais voilà, oui, il y a à boire et à manger, quoi. Donc vous parliez des Visiteurs, qui est sans doute un des films, même si c'est un film populaire, un grand public, qui est un des films qui montre le mieux la différence justement entre la noblesse et la bourgeoisie. On retrouve ça dans votre film, également sur la laideur des paysages, tout cet aspect-là. Et, des paysages d'aujourd'hui, ouais. Voilà, des paysages d'aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est plongé dans un monde en noir et blanc où en même temps, on voit des chevaux, de la nature, de la pierre et ainsi de suite. Et on se retrouve dans un monde avec du béton, des voitures, et ce monde que vous montrez en couleur. Ouais. J'avais envie de se faire confronter les deux époques, celle d'aujourd'hui et celle du Moyen-Âge. Alors peut-être avec en utilisant là pour le coup un certain cliché, parce qu'il y a le cliché du parking du centre commercial, la zone commerciale, ouais. Voilà, qui est confronté avec le petit bourg champêtre avec l'église romane, effectivement, oui, c'est mais j'avais envie de ça, parce que, et d'ailleurs finalement j'ai en faisant des repérages de films, j'ai vu des coins comme ça, hein. J'ai tourné en Normandie et j'ai vraiment vu des coins avec un parking du genre Carrefour, et pas loin à côté un paysage avec une petite église romane, qui les deux cohabitaient, quoi, pas très loin. Et en fait, je voulais rendre compte de ça dans le film. Voilà. Politiquement, vous ne montrez pas du tout un Moyen-Âge autoritaire comme il nous est présenté habituellement. Non, justement, je montre un Moyen-Âge qui est plutôt, comment dire, quasiment anarchiste, d'une certaine manière, entre guillemets. C'est-à-dire que faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas d'État. Donc, au Moyen-Âge, jusqu'à la toute fin du Moyen-Âge, il n'y a pas d'État. Donc, on a des communautés, donc des seigneuries qui sont totalement indépendantes, même si elles sont fédérées par le système de vassalité, de suzerains et de vassals. Donc c'est vrai qu'à la tête il y a le roi quand même, mais qui en fait finalement n'est qu'un chef de guerre d'une certaine manière, qui est là pour garantir une certaine unité, mais sinon voilà, on est dans un système qui est avant tout rural, et où tout le monde est plus ou moins en autarcie. C'est la phrase de Proudhon, la monarchie c'est l'anarchie plus un, en quelque sorte. Ah oui, c'est vrai que je connaissais pas cette phrase, mais c'est c'est-à-dire que oui, c'est des communautés. Alors ce qui est marrant, c'est que les gens dans les années 70, les gens qui allaient faire des communautés rurales dans le Larzac ou dans les Cévennes ou je sais pas où, finalement sans le savoir refaisaient un système médiéval, quoi. C'est-à-dire où on est en autarcie, où on est sur des systèmes de charité, de dons, de partage, où il y a très peu l'utilisation de l'argent, ou en tout cas, par rapport à aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir, c'est vraiment... et voilà, donc j'ai essayé de rendre compte de ça, encore une fois, le film n'est pas un film d'histoire, mais je le rends compte de manière poétique. Donc je rends compte par exemple de la création des hôpitaux publics, qui d'ailleurs ont été faits au début par des femmes. Ça, c'est vraiment au tout début du Moyen-Âge, je crois que c'est le 7e siècle, ça commence déjà, donc des femmes qui créent ce qu'on appelle les hôtels-dieux. Les hôtels-dieux, c'était des hôpitaux qui se situaient sur les routes de pèlerinage, donc notamment vers Rome, puis après vers Saint-Jacques, et qui étaient des lieux d'accueil de mendiants, de malades, de pèlerins, et puis aussi de mendiants, de malades. Et ce qu'il faut savoir aussi d'ailleurs, c'est que tous les monastères, ce qui d'ailleurs n'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais tous les monastères dans lesquels il y avait des moines ou des moinesses, des moniales, quoi, des bonnes sœurs, étaient des hospices qui accueillaient des malades et des clochards et des ermites, etc. Donc, comme quoi, en fait, ils n'étaient pas si reclus que ça, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a l'image des carmélites qui sont reclus et qui ne parlent à personne et tout. Mais ça, c'est pas... Comme la société est intégralement régie en fait, par la religion, ils sont de plein pied dans la société. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et alors, il y a un personnage dans votre film qui fait justement, un personnage masculin pour le coup, qui fait le lien entre l'ancien régime et le monde bourgeois. Un personnage qui parle d'argent, c'est celui de Jacques Coeur. Ouais. Vous donnez une grande importance et il est un peu entre les deux périodes, je trouve. On voit bien que vous lui donnez un rôle qui est un rôle de déclencheur, en fait. Ouais, ouais, complètement. Oui, donc dans mon film, il y a tout un long épisode sur, en fait, sur Charles VII. Donc j'ai décidé non pas de traiter Jeanne d'Arc pour elle-même, en fait, mais de le traiter plutôt du point de vue du roi. Parce que le roi, donc Charles VII, le dauphin, il a eu donc évidemment la rencontre avec Jeanne d'Arc que tout le monde connaît. Mais ensuite, plusieurs années après, il y a la rencontre avec Jacques Coeur. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est la différence entre Jeanne d'Arc et Jacques Coeur. D'ailleurs, ça commence pareil. C'est vrai que ce roi de Charles VII, c'est un roi... C'est un roi faible. Déjà, c'est un roi faible. C'est un roi faible, ça c'est sûr. Je pense que c'est admis par pas mal de gens, quoique. Mais oui, c'est le roi un peu de la tentation, quoi. Mais il y a plusieurs tentations. Il est sous influence. Ouais, ouais, il est sous influence. Et il est... C'est un roi qui cède, quoi. Alors, quand il cède à Jeanne d'Arc, ça se passe bien. Mais quand il cède à Jacques Coeur, ça se passe peut-être moins bien. Bon, Jacques Coeur, c'est alors donc... argentier, hein, pour présenter le personnage. Donc, c'est son argentier qui lui propose des solutions, disons, rationnelles économiquement. C'est ça, c'est un peu le Emmanuel Macron du Moyen-Âge. Son argentier, c'est-à-dire son ministre des Finances, en fait. Donc, en fait, il arrive avec des solutions, notamment au niveau de l'impôt. Charles VII, c'est quand même un constructeur de l'État centralisé, quoi. Mais avec les aspects négatifs que ça peut avoir, c'est-à-dire la perte de cet État un peu anarchique qui était assez sain, de toutes ces campagnes en autonomie. Donc les paysans, maintenant, avec Charles VII, doivent payer un impôt directement au roi, quoi. Ça n'existait pas avant. Ils payaient des impôts au seigneur. Alors, d'ailleurs, je précise qu'ils ne payaient pas d'impôts en argent, ils le payaient en nature, avec ce qu'ils avaient. Donc là, ils doivent payer un impôt au roi directement. Donc il y a une idée de centraliser l'État, évidemment, de se faire pas mal de rentrées d'argent, et notamment pour achever la guerre, c'est pas mal aussi. Donc il y a plein de choses qui se tricotent, hein. Il y a des choses positives et négatives dans la formation de l'État, hein. On va pas faire un débat sur l'État, mais bon, bref. Et voilà, donc Jacques Coeur. Et puis ce qui est marrant, c'est que le libéralisme économique produit du libéralisme sociétal. Bon, vous connaissez Michel. Sous couvert de rationalité. C'est ça. Et donc, dans le second épisode de Jacques Coeur invite Charles VII à prendre une maîtresse. Voilà. Il dit, mais prenez une maîtresse. Pourquoi vous vous faites chier là? Prenez une maîtresse. Parce que la femme de Charles VII, donc Marie d'Anjou, trouvait que son roi était un peu trop dans ses affaires personnelles et avait besoin d'un peu plus d'attention, un peu plus d'amour, en fait. Charles VII, lui, n'a pas l'air d'être attentif à ça. Et Jacques Coeur lui dit, mais donc prenez une maîtresse, quoi. Ça sera plus facile, quoi. Donc voilà. Et donc Charles VII a passé une grande partie de sa vie à aller de château en château, de maîtresse en maîtresse, et puis avec la fameuse maîtresse la plus connue, donc c'est Agnès Sorel, que là je décris comme une vraie tentatrice. Ouais, et puis surtout une femme qui pense que l'important c'est le paraître. Donc voilà, j'essaye en fait de faire un glissement avec Jeanne d'Arc, Jacques Coeur, Agnès Sorel dans cet épisode. Tout en drôlerie, j'essaye. Et là se referme une espèce de parenthèse enchantée qui avait commencé avec Clovis, donc avec cette rencontre avec Agnès Sorel. Avec, peu cette imp... avec Clotilde. Ah non, avec, non jusqu'à Agnès Sorel, d'accord. Ouais, enfin, ouais. Dans une vision de l'histoire que vous développez dans ce film. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Où là, pour le coup, les hommes, finalement, reprennent le pouvoir sur les femmes à partir de ce moment-là. Oui, oui, bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin du Moyen-Âge, les femmes perdent de plus en plus de prérogatives, en fait. Là, par exemple, j'étais en train de lire un livre sur les assemblées communales. Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait de la démocratie directe. Hein. C'est-à-dire qu'on avait des assemblées municipales, vu qu'on est dans un... C'est décentralisé, quoi. Donc, il n'y a pas de vote pour un roi ou un président. Il y a un vote pour des délégués, des juges dans une municipalité. Et les gens votaient donc sans représentant. Ils votaient en démocratie directe. En fait, il se trouve que à partir du 12e, 13e siècle, il y a pas mal de femmes sur les listes de gens qui votent, sur les archives, les registres. Et plus on avance vers la Renaissance, enfin l'âge classique, et moins il y a de noms de femmes. Et au 18e siècle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de femmes. Mmh. C'est intéressant. Et à la Révolution, j'en parle même pas, quoi. La Révolution française, c'est vraiment... C'est une époque très masculine, très, très violente. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà, bon, je... Bon, ça, c'est pas le sujet des... C'est vrai que le fait que la femme ait le droit de vote au Moyen-Âge... déjà, droit de vote tout court. C'était... Mmh. Déjà, on a le droit de vote au Moyen-Âge. Voilà. Et ensuite, les femmes l'ont. Donc, ça tord le coup à pas mal d'idées reçues et véhiculées. C'est ça. Bon, ça, j'en parle pas dans le film. Parce que, bon, de toute façon, j'aurais pu faire 20 films. Hein, parce que j'avais matière à le faire. Mais bon, bref. Et effectivement, oui, il y a une chute de la place des femmes à la fin du Moyen-Âge. Qui est, selon moi, due au capitalisme, en fait, parce que c'est en fait ça arrive, les deux arrivent en même temps. Et on passe de Jacques-Cœur au supermarché directement, c'est-à-dire que là il y a une vraie coupure. Vous... Oui, en fait, j'accélère en fait le glissement vers le libéralisme. À un moment, je m'amuse à l'accélérer de manière absurde, où effectivement Jacques-Cœur passe le relais directement à un PDG de l'époque contemporaine avec son attaché case, là, comme je disais tout à l'heure, Et voilà, et là, il y a la fameuse rencontre entre la dame de l'amour courtois et ce PDG dont on a parlé tout à l'heure. Pour montrer bien le gouffre, en fait, qui s'est creusé entre les deux civilisations, quoi. Et d'un point de vue artistique, il y a aussi dans ce film un parti pris, notamment photographique, oui. Avec un certain archaïsme, on peut le dire. Oui, ouais, ouais, il y a un retour à une image peut-être qu'on avait... Bah déjà, la caméra que j'ai utilisée, c'est une caméra 16 mm, donc c'est la caméra qu'on utilisait notamment pour les reportages, les informations, les actualités qui étaient diffusées à l'époque dans les cinémas, parce qu'il n'y avait pas la télé. C'est une caméra de cinéma, mais qui est un peu plus légère. Et qui a une image assez granuleuse, donc il y a quelque chose de, il y a quelque chose un peu comme un songe en fait, quelque chose de qui fait travailler l'imaginaire avec cette image. Donc voilà, puis j'ai choisi surtout le noir et blanc. Bon, ça, moi, je tourne quasiment tous mes films en noir et blanc, donc j'étais habitué. Et pourquoi ce choix ? Parce que dans une image en couleur, il y a trop d'informations en fait. Que ça soit à la fabrication comme à la réception. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations à la fabrication, c'est-à-dire qu'on doit gérer une image avec, je sais pas, s'il y a un paysage, un ciel, un personnage, avec un costume, il y a beaucoup de choses à gérer. Bon, quand on n'a pas beaucoup de temps et d'argent, c'est vrai que le noir et blanc, c'est pratique, mais c'est pas que ça, c'est vraiment une concordance de choses qui fait que j'utilise le noir et blanc. Et voilà, puis bah, le noir et blanc rappelle comme les vieilles photographies, donc il y a une idée de revenir dans le passé qui est assez claire. Hein, et voilà, il y a aussi l'idée d'unifier aussi. Le noir et blanc a un pouvoir d'unifier en fait des scènes qui sont... Moi, souvent, je tourne des scènes avec sur des modes très différents. C'est-à-dire que j'ai une scène que je vais tourner caméra épaule, on dirait un documentaire. La scène d'après, je vais avoir des caméras très fixes, beaucoup plus solennelles. La scène d'après, ça va être un champ contre champ classique. Donc, en fait, j'utilise très souvent des scénettes, des scènes, des séquences qui sont sur des modes de mise en scène très différents. Et si j'utilisais pas le noir et blanc, qui a un pouvoir vraiment unificateur, je pense que mon film serait vraiment... aurait un côté beaucoup trop bric-à-brac, un peu insupportable. Mmh. Et voilà, c'est ce que j'avais fait pour mon précédent film également. Donc voilà. Et ce film, c'est aussi une musique? Oui. C'est vous l'avez composé vous-même? Alors, j'ai composé... je ne suis pas musicien professionnel, donc j'ai composé des thèmes au piano. 3-4 thèmes. Et je les ai donnés à un compositeur professionnel qui, lui, les a récupérés et les a sublimés, entre guillemets. Il les a arrangés. Il a fait des variations, il a rajouté ses propres thèmes à lui. Voilà, donc au final, on a fait 22 morceaux tous les deux, donc avec mon compositeur qui s'appelle Frédéric Alvarez. Et voilà, pour avoir une musique aussi cohérente, originale, et puis qui donne aussi un ton aussi au film, qui concourt à donner un ton au film de décalage aussi. Quoi. Il y a souvent des scènes médiévales qui sont avec des sonorités électroniques. C'est ça. Voilà. Pas toutes, mais il y a aussi des instruments. Je rappelle que c'est une musique, on a essayé, hein, mais ça ne marchait pas. On a essayé de mettre des musiques justement médiévales. Mais c'est un peu comme le vieux François. Quoi. C'est-à-dire que c'était un peu dur à... Quand on n'est pas initié, la musique médiévale, c'est un peu dur. Quoi. Pendant tout le film, là, il y a 22 morceaux. Voilà, c'est une musique qui est pas du tout... c'est une musique modale, alors que nous, on est sur un mode tonal. Donc, je ne vais pas vous expliquer la différence. Mais la musique modale, il n'y a qu'un accord. Il n'y a qu'un accord sur lequel on fait des variations, des arpèges. Mais on reste sur le même accord, donc on a l'impression de rester sur place. Il y a un côté pour un auditeur d'aujourd'hui. C'est à la Renaissance que le virage s'est fait. Ouais, à la Renaissance, il y a eu le tonal, donc c'est-à-dire un enchaînement d'accords différents. Quoi. C'est ça, c'est une musique lancinante. On a l'impression que vous avez des influences, notamment de Jarre. On a l'impression d'entendre parfois cette musique. Jean-Michel Jarre, ouais, qui revient. Jean-Michel Jarre, pourquoi pas? Ouais. Bon, je vous avoue que j'y ai pas trop pensé quand j'ai fait la musique, mais non, là, j'aime beaucoup François de Roubaix, je sais pas si vous connaissez, qui a fait beaucoup de musique pour des films italiens, notamment dans les années 70, et qui avait d'ailleurs, dans les années 70, il avait son home studio. Comme aujourd'hui, des centaines de musiciens à Paris ont, quoi, qui font de la musique électronique. Lui, c'était le précurseur, donc c'est lui le premier qui avait un studio chez lui, là, rue de Courcelles. Hallucinant, alors qu'avec le matériel qu'il avait, il n'y avait pas d'ordinateur, hein, donc c'était des bandes. Et il enregistrait tous ses instruments là-dessus, ses synthés, ses expérimentations de sonorité avec les synthés. Donc ça, c'est vraiment un peu un maître à penser quand je fais de la musique. Et puis c'est une musique qui est drôle, enfin qui est ludique, qui est drôle, qui est ludique, et ça correspondait bien à ce que je voulais. Donc on a fait certaines musiques où elles ressemblent un peu à la musique de François de Roubaix, mais après il y a des musiques aussi symphoniques, avec des orchestres à cordes, il y a des musiques au piano tout seul, il y a un peu de tout, quoi. Hubert Viel, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ben, je vous remercie. Écoutez, le film est en salle en ce moment. Voilà, donc Les filles au Moyen-Âge, on conseillera à nos auditeurs d'aller le voir. Donc ouais. Dans les grandes villes, c'est ça? Et puis à Paris, dans plusieurs salles? C'est ça. Alors je ne peux pas vous dire tous les horaires et les villes, il faut regarder sur Allociné, mais oui, c'est ça. Paris, il y a Marseille, il y a Toulouse, Grenoble et d'autres. On n'a pas parlé de la question des moyens, mais les auditeurs auront compris que c'est une production artisanale. Ouais, c'est une production. On a eu quelques subventions quand même, hein, mais c'est une production quasi. Oui, c'est quasiment une autoproduction. Oui, c'est des subventions mais a posteriori, c'est ça. C'est ça. Voilà. J'ai pas eu de subvention avec le scénario, mais j'en ai eu avec le film en fait, ce qui nous a permis de nous rembourser. Et voilà, donc c'est un film du coup qui jouit d'une totale liberté en tout cas parce que on n'avait quasiment aucun compte à rendre. Donc, et c'est très voilà, réussi. C'est un film libre et honnête. Et je le redis, c'est vraiment pour toute la famille, pour une sortie du dimanche. Vous voulez emmener les enfants, passer un bon moment et vraiment tout le monde sera heureux. Et ça fait réfléchir. C'est décapant et il y a plein de choses à. Et on réfléchit beaucoup, on réfléchit longtemps après l'avoir vu. Voilà. Je vous remercie. Hubert, merci. Xavier, merci. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, l'heure la plus sombre. Voilà, si Dieu veut. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique. Sur les notes de Mozart, nous allons écouter la Marche turque qui se trouve dans l'album de Stéphane Blé, disponible sur le site de Contre-Culture. Merci beaucoup, merci à tous et à la semaine prochaine.